Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusqu'à 10h30, Scream, pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, ben, on a décidé de vous parler d'un bon petit artiste quand même, hein, dans Backstage. De toute façon, c'est toujours des bons artistes, des bons groupes. Et comme d'habitude, on va pas déroger à la règle, on va vous faire passer d'abord un extrait, comme ça vous va un peu vous faire chercher de quel artiste on va parler, puis après on vous annoncera l'album aussi de l'artiste que l'on va vous parler, du titre de l'album de l'artiste qu'on va vous parler. C'est parti tout de suite avec un extrait, puis après je vous présenterai l'artiste et l'album du Backstage d'aujourd'hui. This is another public service announcement brought to you in part by Slim Shady. Slim Shady does not give a fuck what you think. If you don't like it, you can suck his fucking cock. Little did you know, upon purchasing this album, you have just kissed his ass. Slim Shady is fed up with your shit, and he's going to kill you. Anything else? Yeah. Sue me. When I was just a little baby boy, my mama used to tell me these crazy things. To tell me my daddy was an evil man. She used to tell me he hated me. But then I got a little bit older and I realized she was the crazy one. But there was nothing I could do or say to try to change it, cause that's just the way she was. They said I can't rap about being broke no more. They say I can't rap about coke no more. Slut, you think I won't choke no whore till the vocal cords don't work in the throat no more? These motherfuckers are thinking I'm playing, thinking I'm saying this shit cause I'm thinking it just to be saying it. Put your hands down, bitch, I ain't gonna shoot you. I'ma pull you to this bullet and put it through you. Shut up, slut, you're causing too much chaos. Just bend over and take it like a slut, okay, ma? Oh, now he's raping his own mother, abusing a horse, snorting coke, and we gave him the Rolling Stone cover? You goddamn right, bitch, and now it's too late. I'm triple platinum and tragedies happen in two states. I invented violence, you vile, venomous, vile little bitches, vein, Vicodin, ring, ring, ring. Chainsaw, left his brains off, dangling from his neck while his head barely hangs on. Blood, guts, guns, cuts, knives, lies, wives, nuns, sluts. Bitch, I'ma kill you. You don't wanna fuck with me. Girls leave, you ain't nothing but a slut to me. Bitch, I'ma kill you. You ain't got the balls to beef. We ain't gonna never stop beef, and I don't squash the beef. You better kill me. I'ma be another rapper dead for popping off at the mouth with shit I shouldn't have said. But when they kill me, I'm bringing the world with me. Bitches too, you ain't nothing but a girl to me. I said, dude, what the fuck with Shady? Why? Cause Shady will fucking kill you. I said you don't wanna fuck with Shady. Why? Cause Shady will fucking kill you. Bitch, I'ma kill you. Like a murder weapon, I'ma conceal you. In a closet with mildew, sheets, pillows, and film you. Fuck with me, I've been through hell. Shut the hell up, I'm trying to develop these pictures of the devil to sell them. I ain't asked to rap, but I rap on acid. Got a new blow up roll and just had a strap on at it. Whoops, is that a subliminal hint? No. It's criminal intent to sodomize women again. Eminem offend? No. Eminem will insult. And if you ever give in to him, you'll give him an impulse to do it again. Then, if he does it again, you'll probably end up jumping out of something up in the tent. Bitch, I'ma kill you. I ain't done this, ain't the chorus. I ain't even drug you in the woods yet to paint the forest. A blood stain is orange after you wash it 3 or 4 times in the tub, but that's normal, ain't it, Norman? Serial killer hiding murder material in a cereal box on top of your stereo. Here we go again, we're out of our medicine, out of our minds, and we one in yours, let us in. Or I'ma kill you, you don't wanna fuck with me. Girls leave, you ain't nothing but a slut to me. Bitch, I'ma kill you, you ain't got the balls to beef. We ain't gonna never stop beef, and I don't squash the beef. You better kill me, I'ma be another rapper dead for popping off at the mouth with shit I shouldn't have said. But when they kill me, I'm bringing the world with me. Bitches too, you ain't nothing but a girl to me. I said, dude, wanna fuck with Shady. Cause why? Cause Shady will fucking kill you. I said you don't wanna fuck with Shady. Why? Cause Shady Now why I say these things? Cause lady screams keep creeping in Shady's dreams. And the way things seem, I shouldn't have to pay these strings. It's 80 G's a week to say the same things tweets. Twice, whatever, I hate these things. Fuck shots, I hope the weed will outweigh these drinks. Motherfuckers want me to come on their radio shows just to argue with them cause their ratings stink. Fuck that, I show radio announcer to bouncer. From that bitch to all 70,000 pounds of her. From principal to the student body and counselor. From in school to before school or out of school. I don't even believe in breathing, I'm leaving air in your lungs just to hear you keep screaming for me to seep it. Okay, I'm ready to go play. I got the machete from OJ, I'm ready to make everyone's throat say. You faggots keep egging me on till I have you with knife point. Then you beg me to stop, shut up, give me your hands and feet. I said shut up when I'm talking to you. You hear me? Answer me. I'ma kill you. You don't wanna fuck with me. Girls need you. Ain't nothing but a slut to me. Bitch, I'ma kill you. You don't got the balls to beef. Me gon' never stop beef, and I don't squash the beef. You better kill me. I'ma be another rapper dead for popping off at the mouth with shit I shouldn't have said. But when they kill me, I'm bringing the world with me. Bitches too. You ain't nothing but a girl to me. Bitch, I'ma kill you. Don't wanna fuck with Shady. Cause why? Cause Shady will fucking kill you. Said you don't wanna fuck with Shady. Why not? Cause Shady will fucking kill you. I'm just playing, ladies. You know I love you. Voilà, donc j'espère que vous avez pu reconnaître, hein, il est facilement reconnaissable rien que déjà par sa voix. Il s'agit bien entendu, je vais d'abord vous donner son surnom, Slim Shady. Son nom de naissance est Marshall Bruce Mather III. Sa date de naissance est le 17 octobre 1972, il a 44 ans, il est né à Saint-Joseph dans le Missouri aux États-Unis. Son activité principale, c'est rappeur, auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur. Il a un genre musical du Midwest rap. Oui, il y a le West Coast rap, mais lui, c'est le Midwest, il est carrément au milieu. Du rap hardcore, rap conscient, du hardcore et du gangsta rap. Son instrument, fatalement, vous l'avez pu le deviner, c'est de la voix et il est en activité depuis 1988 et il est sur le label Shady Aftermath Interscope. Il s'agit bien entendu de Eminem, souvent stylisé par Eminem mais avec le E de M à l'envers. De son vrai nom donc Marshall Bruce Mather III, né donc le 17 octobre 1972. À Saint-Joseph, dans l'état du Missouri, est un auteur, compositeur, interprète de rap américain, également producteur et acteur. En plus de sa carrière solo, il est aussi membre du groupe D12, dont il reste le cofondateur et il compose le duo Bad Meat Evil avec Royce Da 5'9". Eminem est l'un des artistes ayant vendu le plus d'albums dans l'histoire de l'industrie musicale et est le plus gros vendeur de disques à l'international de la décennie, allant de 1999 à 2009. Il compte plus de 240 récompenses, dont 15 Grammy Awards et un Oscar. Il a vendu à lui seul près de 300 millions de disques dans le monde, 318 millions en comptant ses projets en groupe duo. Il est cité dans de nombreuses listes énumérant les meilleurs artistes de tous les temps, le magazine Rolling Stone l'ayant même déclaré roi du hip-hop. En incluant ses travaux avec D12 et Bad Meat Evil, il porte 10 albums au sommet des classements américains. Il possède 2 disques certifiés diamant, The Marshall Mathers LP. Donc voilà, vous avez trouvé, on va parler du Marshall Mathers LP et de Eminem Show. Sa chaîne YouTube comporte plus de 23 millions d'abonnés et cumulé près de 10 milliards de vues. Encore inconnu au grand public, Eminem publie son premier album intitulé Infinity en 1996. Le disque est un échec critique et commercial. Il n'obtient une popularité mondiale qu'après la sortie de son deuxième album, The Slim Shady LP, en 1999. Le premier remporte le même triomphe que ses... publié sur le label de production du rappeur Dr. Dre. Dr. Dre, ben, qui est un fameux producteur de hip-hop. Hein. Cet album lui vaut son premier Grammy Award, celui du meilleur album rap. Il remporte le même trophée pour ses deux albums suivants, The Marshall Mathers LP et The Eminem Show, ce qui fait de lui le recordman du nombre de victoires consécutives pour ce prix. Le rappeur enchaîne en 2004 avec l'album Encore, donc c'est le titre de l'album Encore, après une retraite forcée de 5 ans, Eminem fait son retour en 2009 avec l'album Relapse, laissant derrière lui ses problèmes de drogue. L'année suivante, il sort son 7e album studio, Recovery, qui est un succès planétaire. Il est l'album le plus vendu de l'année 2010. Tout comme The Eminem Show en 2002, fin 2013, il publie son 8e album studio, The Marshall Mathers LP 2, qui lui permet de gagner 2 Grammy Awards, un pour The Monster et le second dans la catégorie du meilleur album rap de l'année. À sa sortie, l'album fut écoulé à plus de 750 000 exemplaires en une semaine et se hissa à la première place des classements Billboard. The Master Marshall LP 2 est aussi le second album le plus vendu aux États-Unis, bien qu'il soit sorti 2 mois avant la fin de l'année, en novembre 2014. Eminem publie Shady 45, une compilation pour fêter ses 15 ans de son label Shady Records. De très nombreux rappeurs de Shady Records sont présents. Le groupe D12 est également présent. Eminem est également un entrepreneur actif. Il a notamment créé son propre label Shady Records, une station de radio Shady 45 et une fondation caritative. Eminem débute également une carrière d'acteur en 2002 dans le rôle de Jimmy Smith Jr. dans le film et du réalisateur Curtis Hanson, 8 Mile, que je vous conseille franchement de regarder. Pour son rôle aux côtés de Kim Basinger, il obtient l'Oscar de la meilleure chanson originale pour la chanson Lose Yourself, qui est une chanson à tomber reine mort, je l'affirme. Il devient ainsi un des premiers artistes hip-hop à remporter ce prix. J'arrête de parler, là on va s'écouter un deuxième extrait de l'album donc The Marshall Mathers. On va s'écouter le fameux duo avec Dido, si vous vous souvenez. Stan, c'est parti, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no.

et luxembourgeoise. Sa mère n'a que 17 ans. Lorsqu'elle met au monde son fils, elle échappe de peu à la mort durant l'accouchement. Lorsque Marshall a 18 mois, son père l'abandonne et Déborah doit l'élever seule. Durant son enfance, Marshall est le souffre-douleur de ses camarades de classe à l'école. Il se balance souvent d'avant en arrière à l'âge de 9 ans. Il se fait régulièrement tyranniser par Angelo Bailey et sa bande de camarades de classe. En janvier 1981, à l'âge de 9 ans, Marshall se fait coincer et violemment frapper dans les toilettes par Angelo Bailey. L'absence de Marshall passa inaperçue. Il ne fut retrouvé que plusieurs heures après par sa mère. Il resta quelques jours dans le coma après que sa tête ait frappé violemment le rebord de toilette. À la sortie de son coma, sa mère démissionna de son emploi pour pouvoir s'occuper de son fils qui dut réapprendre toutes les fonctions motrices qu'il souffrait, de maux de tête, de perte de la vision et des vomissements. À la suite de cet incident, la mère du jeune Marshall poursuit en justice l'établissement scolaire, mais l'affaire est classée sans suite. Eminem raconte ce triste épisode de son enfance dans la chanson Brain Damage, extrait de l'album Slim Shady LP. Il subit régulièrement des passages à tabac, à diverses humiliations de la part des jeunes qu'il fréquente en raison de sa couleur de peau et de sa constitution plutôt frêle. Durant plusieurs années, Marshall et sa mère déménagent pas moins de 20 fois, d'abord dans le Missouri, Saint-Joseph, Savannah et Kansas City, puis à Warren avant de s'installer à Detroit. En 2010, dans une interview accordée pour l'émission 60 minutes, Eminem déclare qu'il... je devais changer d'école jusqu'à 3 fois par an et c'était sûrement la chose la plus dure à vivre. C'est sûrement la partie la plus dure, mais aussi la plus formatrice. Dans les quartiers où il vit, la cohabitation entre blanc et noir est parfois difficile et les nombreux déménagements ne changeaient rien à cette situation. Partout où il vit, il reste un bouc émissaire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il subit ses mauvais traitements. Par la suite, ses bourreaux se calment et il entame des séances de musculation. L'artiste aurait été diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires et de troubles obsessionnels compulsifs. Durant sa jeunesse, Marshall a comme passion la bande dessinée et aspire de devenir dessinateur de comics avant de découvrir le hip-hop grâce à son oncle Ronald Ronnie, donc Punking Strong de 1971 à 1991, qui lui prête une copie du single d'Ice-T Reckless. Très bon album aussi, je vous le confirme. C'est à cette époque que j'ai rencontré Proof pour la première fois. Je lui ai dit de passer me voir pour m'écouter de temps en temps. Il m'a alors regardé comme si j'avais perdu mes esprits. Il a secoué la tête d'un air de dire que les blancs sont incapables d'avoir le sens du rythme. J'ai dit un vers et en fait rimé anniversaire. Avec premier lieu, nous avions déjà adopté un style de rap qui sonnait de la même manière, genre Big Daddy Kane, où les nombreuses syllabes composées sont combinées. D'une certaine façon, nous savions que nous serions amenés à nous rencontrer et à un nouveau, quelque part au-delà des barrières. Eminem parle de sa rencontre avec Proof dans Yellow Brick Road. Après avoir acheté un exemplaire de l'album License to 3 des Beastie Boys, il commence à s'intéresser au mouvement hip-hop. À 14 ans, il adopte le nom de scène M&M's. C'est pas de la pub, c'est ce que je vous dis. Par la suite, Marshall adopte le trompe-oreille Eminem comme pseudonyme, bien qu'il s'inscrit au lycée, au Lincoln Warren. Il participe régulièrement à des battles au lycée d'Homsbourne dans les quartiers est de Detroit. Eminem se fait une réputation sur la scène musicale de Detroit et plusieurs groupes veulent le recruter. À la suite de la séparation des New Jack, son premier groupe, il rejoint Bassman Production. Avec son deuxième groupe, il sort un EP appelé Stepping Onto the Scene. Il rencontre peu après son ami Proof, avec qui il fonde le groupe D12. Bassman Production change de nom et devient Soul Anten. En 1995, ils sortent leur single Fucking Black Stale Blur sur le label Machine Dogs Records. Bien qu'il ait une majorité de noirs dans la culture hip-hop de l'époque, Eminem trouve sa place sur la scène rap de Detroit. Après avoir redoublé trois fois sa 9e année d'études, équivalent à la 3e en France, il abandonne sa scolarité à l'âge de 17 ans. Cet échec scolaire a dû un très grand absentisme. En 1991, l'oncle de Marshall, Ronnie, se suicide. Eminem porte depuis un tatouage en hommage de son oncle avec l'inscription « RIP Ronnie ». Après la mort de Ronnie, Debbie, la mère d'Eminem, lui fait croire que son oncle a tenté de l'appeler avant de se suicider. Afin de le faire culpabiliser, Eminem n'apprendra la vérité sur cette histoire que bien plus tard. Eminem fait référence de son oncle dans de nombreuses chansons comme « Stan », « Clean Out My Closet » ou « My Dad Going Crazy ». Eminem rencontre Kimberly Kim Scott, une camarade de classe, en 1989 et ils se marièrent en 1999. Nous, on va s'écouter un troisième titre de Eminem, « Who Knew », donc de Marshall Mathers. What's going on? It's Paul. Dre gave me a copy of the new album and I just... Sells a couple of million records. When these motherfuckers hit the ceiling, I don't do black music, I don't do white music. I make fight music for high school kids. Put lives at risk when I drive like this. I put wives at risk with a knife like this. Shit. You probably think I'm in your tape deck now. I'm in the backseat of your truck with duct tape stretched out. Duck the fuck way down, waiting to straight jump out. Put it over your mouth and grab you by the face. What now? Oh, you want me to watch my mouth? How? Take my fucking eyeballs out and turn them around? Look, I'll burn your fucking house down, circle around, and hit the hydrant so you can't put your burning furniture out. I'm sorry, there must be a mix-up. You want me to fix up lyrics while the president gets his dick sucked? Fuck that, take drugs, rape sluts, make fun of gay clubs, menswear, makeup, get away, wake up, get a sense of humor. We're trying to send some music, this is for your kids' music. The kid. But don't blame me when Lil Eric jumps off of the terrace. You should have been watching him, apparently you ain't parents. I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. So who's bringing the guns in this country? I couldn't sneak a plastic pellet gun through customs over in London. And last week I seen this Schwarzenegger movie where he's shooting all sorts of these motherfuckers with a Uzi. I see these three little kids up in the front row screaming go with their 17-year-old uncle. I'm like, guidance, ain't they got the same moms and dads who got mad when I asked if they like violence? And told me that my tape taught them to swear. What about the makeup you allow your 12-year-old daughter to wear? So tell me that your son doesn't know any cuss words when his bus driver's screaming at him, fucking him up worse. And fuck was the first word I ever learned up in the third grade, flipping the gym teacher the bird. So read up about how I used to get beat up, peed on, be on free lunch, and change school every 3 months. My life's like kinda what my wife's like. Fucked up after I beat her fucking ass every night, Ike. So how much easier would life be if 19 million motherfuckers grew to be just like me? Cause I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. I never knew I knew I'd have a new house or a new car. A couple years ago I was more poorer than you are. I don't got that bad of a mouth, do I? Fuck shit ass bitch, cunt, shooby-de-doo-wop, skibby-de-bebop for Christopher Reeve. Sonny Bono sees horses and hitting some trees. Hey! How many retards to listen to me and run up in the school shooting when they're pissed at a teacher? Her, him, it's a G you, is it them? Wasn't me, Slim Shady said to do it again. Damn, how much damage can you do with a pen? Man, I'm just as fucked up as you would've been. You would've been in my shoes, who would've thought Slim Shady would be something that you would've bought? That would've made you get a gun and shoot at a cop. I just said it, I ain't know if you do it or not. Cause I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. I never knew I knew I would get this big. I never knew I knew I'd affect this kid. I never knew I'd get him to slit his wrist. I never knew I'd get him to hit this bitch. How the fuck was I supposed to know? Voilà, donc c'était Walk New, bien entendu, de Eminem, The Marshall Mathers. Alors, je vais vous dire un petit peu, avant de parler un petit peu de l'album, hein, quelques petits trucs comme ça à savoir sur Eminem. Hein. Eh ben, déjà, il a créé une œuvre caricative. Eminem a créé sa propre fondation caricative, la Marshall Mathers Foundation, qui vient en aide aux jeunes défavorisés. Cette fondation travaille beaucoup avec une association de Norman Yatona, qui est une grande visibilité à Detroit. Les bénéfices des ventes de produits dérivés à l'effigie du rappeur sont redistribués à l'association. À Noël 2009, le rappeur a proposé de se faire photographier avec lui portant le costume du Père Noël, les bénéfices étant reversés à la fondation. Alors, en couple avec Kim Scott, Eminem a été en couple à deux reprises avec Kimberley, donc Kim Scott, son premier amour. Ils se sont rencontrés alors qu'ils avaient 15 ans, et lui il avait 15 ans et elle 13. Kim venant de s'enfuir du foyer parental avec sa sœur Dawn, Marshall portait un t-shirt à l'effigie de son icône LL Cool J sur lequel il était inscrit « I am bad, je suis mauvais ». En couple, à partir de 1989, ils se marièrent et en 1999 et en 2000, ils demandent le divorce après que Kim a été condamné pour conduite en état d'ivresse. La même année, Eminem écrit la chanson Kim préquelle de la 97 Bonnie and Clyde, donc publiée dans son précédent album. Dans ce morceau, Eminem se met en scène en train de tuer sa propre femme Kim lorsqu'il apprend que cette dernière l'a trompé. La chanson commence comme dans la maison du couple. Il parle de sa fille Hailey qu'il est en train de coucher. S'ensuit une très violente dispute avec sa femme qu'il insulte et qu'il reproche d'avoir amené son amant à la maison. Dans le second couplet, le couple se trouve dans une voiture, la dispute se poursuit et le personnage incarné par Eminem commence à délirer, alternant cris et pleurs. Dans le dernier couplet, ils sont dans les bois et sortent de la voiture. Kim tente de s'enfuir, mais elle est rattrapée par son mari qui finit par l'égorger. Eminem a interprété la chanson à Detroit dans le cadre de Up in Smoke Tour le 7 juillet 2000. Pendant cette prestation, Eminem simula l'assassinat de Kim sur une poupée gonflable. Kim, qui assistait au concert, tenta de se suicider à la suite de celui-ci. Quelques mois plus tard, elle poursuit Eminem en justice pour diffamation le 10 novembre 2001. Ils divorcent à la suite de nombreuses tensions. Eminem et Kim se réconcilient en 2004 avant de se remarier une seconde fois le 14 janvier 2006, mais ils divorcent une seconde fois en décembre 2006. En 2010, il réfute une rumeur de réconciliation de son ex-femme. Les relations avec sa maman, c'est pas gay non plus à tout ça. Les relations avec sa maman, les relations entre Marshall et de sa mère Debbie est ambivalente et conflictuelle. Dans Cling Out My Closet en 2002, sortant en 2002, et My Moon en 2009. Eminem parle de la maltraitance infantile qu'il a subie de la part de sa part. Il accuse notamment de l'avoir intoxiqué sciemment avec des psychotropes. tu te souviens quand Ronnie est mort et que tu as dit que tu souhaitais que ce soit moi? Bien, devine quoi, je suis mort aussi mort que je puisse l'être à tes yeux. Extrait traduit en français de Climb Out My Closet de Eminem Show. Ceci est mon histoire quand je n'étais qu'un petit et comment je suis devenu accro au Valium. Le Valium était dans tout ce que je mangeais, dans les putains de petits pois de mon assiette, elle en saupoudrait assez pour assaisonner mon steak. Extrait en français de My Moon sur Relapse. La grand-mère d'Eminem, Betty Christine, ne prend aucunement parti entre les deux, mais confirme que sa fille Debbie était lunatique du fait de ses sauts d'humeur. Elle mettait parfois son fils à la porte sans raison valable. Betty, qui vivait à Warren, donc à 8 Mile, explique que Marshall venait alors régulièrement frapper chez elle en pleine nuit pour trouver un toit. En 1993, tout s'écroule dans la vie de Marshall lorsqu'il apprend que son oncle Ronnie s'est suicidé à la suite d'une dépression. Le choc lui enlève toute envie d'écrire pendant 2 ans. Betty raconte dans le documentaire « La face cachée d'Eminem » qu'à cette époque, les relations entre Marshall et sa mère étaient au plus mal. La mère de Marshall lui aurait fait croire à tort que Ronnie avait essayé de l'appeler avant de se suicider et qu'il aurait donc pu empêcher le drame afin de le faire culpabiliser. Ce n'est que bien plus tard que Marshall apprend la vérité sur cet événement. Eminem est en froid avec depuis très longtemps avec sa maman. Il ne lui parle qu'à travers les paroles virulentes de ses chansons. En réponse à ce conflit, la mère d'Eminem enregistra une chanson écrite et écrira un livre appelé My Son Marshall, My Son Eminem. Donc mon fils Marshall, mon fils Eminem. Cependant, les relations entre le rappeur et sa mère s'améliorent peu à peu, comme en témoigne la chanson Hind Light, parue en 2013 sur l'album The Marshall Mathers LP 2. Eminem s'excuse auprès de sa mère et qualifie le titre de plaidoyer pour une famille unie, ou du moins dysfonctionnelle que par le passé. Alors, là, on va s'écouter un autre titre donc de l'album The Marshall Mathers, après je vous parlerai un petit peu de cet album. Là, on va s'écouter The Way I Am. Hey! Hey, Em, what's up? Steve Berman, what's going on, man? How you doing? Good to see you again, what's up? Em, could you come in here and have a seat, please? Yeah, Vanessa, what's up? Shut the door. Okay. So what's up? How's orders looking for the first week? It would be better if you gave me nothing at all. This album is less than nothing. I can't sell this fucking record. What? Do you know what's happening to me out there? What's the problem? Violet Brown told me to go fuck myself. Who's Violet? Tower Records told me to shove this record up my ass. Do you know what it feels like to be told to have a record shoved up your ass? I'm gonna lose my fucking job over this. Do you know why Dre's record was so successful? He's rapping about big screen TVs, blunts, 40s, and bitches. You're rapping about homosexuals and Vicodin. I mean, I can't sell this shit. What? Either change the record or it's not coming out. Now get the fuck out of my office. What am I supposed... Now. And whatever. Dre, just let it run. Hey, yo, turn the beat up a little bit. Hey, yo. This song is for anyone. Fuck it. Just shut up and listen. Hey yo. I sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this sea, on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to just curse and just blur this berserk and bizarre shit that works. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension dispense. And these sentences get in this stress that's been eating me recently off of this chest. And I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick, If you tempt me, my tank is on empty. No patience is in me. And if you offend me, I'm lifting you 10 feet in the air. I don't care who was there and who saw me. Just join you, go call you a lawyer, file you a lawsuit. I'll smile in the courtroom and buy you a wardrobe. I'm tired of all you. I don't mean to be mean, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Sometimes I just feel like my father. I hate to be bothered with all of this nonsense, it's constant. And oh, it's just lyrical content. The song Guilty Conscience has gotten such rotten responses. And all of this controversy circles me, and it seems like the media immediately points a finger at me. So I point one back at him, but not the index or pinky or the ring or the thumb. It's the one you put up when you don't give a fuck, when you won't just put up with the bullshit they pull, 'cause they full of shit too. When a dude's getting bullied and shoots up your school, and they blame it on Maryland and the heroin, where were the parents at? And look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad to see an upper class city having this happening. Then attack Eminem 'cause I rap this way. But I'm glad 'cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I never turn. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. I'm so sick and tired of being admired that I wish that I would just die or get fired and drop from my label. Let's stop with the fables. I'm not gonna be able to top what my name is. And pigeonhole into some poppy sensation that got me rotation at rock and roll stations. And I just do not got the patience to deal with these cocky Caucasians who think I'm some wigger who just tries to be black, 'cause I talk with an accent and grab on my balls, so they always keep asking the same fucking questions. What school did I go to? What hood I grew up in? The why, the who, what, when, the where, and the how? Till I'm grabbing my hair and I'm tearing it out, 'cause they're driving me crazy. I can't take it, I'm racing, I'm pacing. I stand and I sit, and I'm thankful for every fan that I get. But I can't take a shit in the bathroom without someone standing by it. No, I won't sign your autograph. You can call me an asshole, I'm glad, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Voilà, donc c'était The Way I Am de Marshall Mathers. Alors, juste avant de parler donc de l'album, hein, on vient de me demander de quoi ce qu'il était addict à la drogue. Ben voilà, un membre de D12 a déclaré que donc Eminem Mathers a sorti en 2002 de sa dépendance de drogue et d'alcool. Cependant, il s'est tourné vers les sédatifs comme le Zolpidem pour soulager ses difficultés à s'endormir. En 2010, Eminem a déclaré qu'au pire de son addiction, il prenait entre 40 et 60 Valium, un oxyanalytique, et plus de 20 Vicodin. Un analgésique narcotique par jour. Pour ceci est a contraint Mathers donc à arrêter les Anger Management Tour en août 2005. Donc vous voyez comme il était vraiment accro, quoi. Alors, on va parler d'autre chose là. The Marshall Mathers LP est le troisième album du rappeur Eminem enregistré au studio. S'il compte Infinity, cet album est sorti en 2000 sur le label Aftermath Entertainment de Dr. Dre. Il s'est vendu environ à 32 millions d'exemplaires dans le monde grâce à cet album Eminem détient ainsi le record de vente aux États-Unis sur une semaine pour un artiste solo avec 1,760 millions d'albums de vente. Ce record sera battu en 2015 par Adele. Eminem détient tout de même excusez-moi, le record de vente en une semaine pour un artiste solo masculin. Il est aussi disque de diamant aux États-Unis après avoir dépassé la barre de 11 millions d'albums écoulés sur le territoire. The Marshall Mathers LP est considéré comme politiquement incorrect à la fois pour certaines paroles, mais aussi du fait de son anti-patriotisme. Eminem critique acerbement la société américaine et parle beaucoup de l'image que les médias ont construit autour de lui, de cette répercussion. Tout cela a mis en image dans le titre Stan Marshall Mathers et The Way I Am. Quant à la recherche d'un bouc émissaire, tourne à la parodie comme le montre dans le Criminal ou le Wook New. Eminem aiguise ses lames sur des stars en tout genre dans The Real Slim Shady et simule un assassinat de son ex-compagne, donc Kim, comme j'en parlais tout à l'heure, qui portera plainte contre lui pour la chanson controversée Kim. Enfin, il présente de manière cynique la ville qu'il a vu grandir, Detroit, Amityville avec Bizarre et Under and Influence avec D12. L'album est un concept. Eminem a beaucoup plus sérieux sur des chansons de cet album plus que sur son deuxième album Slim Shady. Les chansons de l'album abordent plusieurs thèmes tels que sa célébrité, ses conséquences, ses relations familiales, surtout avec sa mère et sa relation avec Kim Mather, son ancienne épouse. Eminem répond aux médias qui ont critiqué son premier album pour sa violence, prétextant ne pas faire attention à ses sens. Alors, il y a les contenus des paroles. L'album est sorti sur deux versions, version clean et version explicite. Cependant, quelques paroles de l'album ont été censurées, même dans la version explicite. Quelques chansons ont été censurées à cause des événements qui ont suivi la sortie de l'album The Marshall Mathers LP et différence de Slim Shady. En effet, Eminem a beaucoup plus introspectif dans ses textes cette fois-ci. Dans la majorité de ses chansons, Eminem parle de son enfance, de ses problèmes familiaux avec sa mère Marshall Mathers et son ancienne épouse Kim. Et parle aussi de son retour et de ses effets dans l'industrie musicale. Remember Me, Beach Plays It. Il parle également de la drogue Under the Influence et Drugs Ballad, de ses effets sur la jeunesse et de la société américaine, The Way I Am et Weak New. Et répond à ceux qui l'ont critiqué par sa vulgarité, Criminal Kill You. Et en dépit de la polémique qui a entouré de l'album, en ce qui concerne les textes, il a été bien reçu par les critiques de la communauté hip-hop. De l'album contient plusieurs samples et refrains. Il y a des vers où Eminem effectue des clins d'œil envers Eric B. and the Reeking et l'album rap Pay in Full. Le refrain de The Way I Am possède une structure similaire au passage de As the Rhythm Go On et deux vers de I Am Back parodiant My Melody dans les vers de la chanson Marshall Mathers. Eminem parodie un vers de la chanson de Summer Girl de LFAO qu'il dit New Kid on the Block, Sucked and Lotta Dick Boy Girl Group Make My Sick. Voilà. Alors là, on va s'écouter justement. Je vous parlais du titre The Real Slim Shady. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est sur RQC. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love

Voilà. Alors, querelle. Bah, The Marshall Mathers LP contient une querelle. Il y a eu une querelle sur cet album hein, contre Insane Clown Pose, une plaisanterie intitulée Kim Kinif, sur lequel Eminem parodie les membres du groupe, à savoir Shaggy, Too Dope et Violent G, en train de pratiquer une fellation sur le personnage récurrent d'Eminem, Kim Kinif, alors que dans Marshall Mathers, Eminem rappe sur la chanson, voilà, tout simplement, et ils se sont disputés pour ça, pour une parodie, quoi. La production, bah, c'est en grande partie, la moitié de l'album a été produite par Dr. Dre et Mailman, et la deuxième moitié est produite par Eminem lui-même, avec la collaboration de The 45 King. Ce dernier l'a aidé à la production de Stan. On va s'écouter un autre titre avant de se quitter tout à l'heure. On va s'écouter la chanson. Bah non, je vais vous laisser le titre de fin. Donc là, je vais encore un petit peu papoter. Je vais juste vous donner quelques références. L'album, il est sorti le 23 mai 2000. Et il a été enregistré entre 1999 et 2000 à Los Angeles. Il dure 72 minutes 17. C'est du rap hardcore et du horrorcore, produit par Eminem, Dr. Dre, Mailman, Bass Brother et The 45 King sur le label Aftermath. Alors, je vais vous donner quelques titres. Comme ça, il y a Public Service, Kill You, Stan, Paul. Paul, c'est toutes des intros. Hein. Wook Now, Steve Barman, The Way I Am, The Real L, Slim Shady. Remember Me, c'est le titre qu'on va s'écouter juste après. I Am Back, Marshall Mathers, Kim Kinif, Drugs Ballad, Amityville, Beach Please 2, Kim, Under the Influence et Criminal. Et si vous avez bien écouté, bah, les titres que je vous disais, c'est que voilà, je possède l'album non censuré, donc l'album complet. Mais bon, je n'ai pas su en une heure vous passer tout cet album avec les versions non censurées. Vous n'aurez pas cette chance de les découvrir. Et oui, hélas, que voulez-vous. Mais bon, c'est le charme aussi d'essayer de deviner un petit peu comme ça ce genre de choses que Eminem peut donner hein, en se manifestant et en râlant, en faisant des choses, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Eh ben, je vais vous laisser, on va se quitter, allez, je vais quand même être gentil, avec Kim Kinif en introduction, et puis après on se quitte avec Remember Me. Ciao les amis, à la semaine prochaine. Oh, fuck yeah. Oh, take it out, take it out. Oh, now give some to Jay. Oh, Violent Jay. Oh, don't bite it, don't be violent with it. Oh, just suck it nice and slow, yeah. Oh, fuck yeah, you got. Oh, now give it back to Shaggy, he was sucking it better. Oh, now say my name. Say my name. What? Oh, fuck you guys. Give me my dick back. Fuck you guys. If you want Eminem, you can have Eminem. Fuck you guys. I'm leaving. No, can we? Oh, damn. Nice going, Shaggy. Cause I grab the mic and get down like syndrome. I didn't roam into the masses without boundaries, which qualifies me for the term universe. without no rehearsal. Holly words is controversial, like I'm not the one you wanna contest, see? Cause I'll hit your ass like the train did that bitch that got banned from TV. Heavyweight, get up. Hit you, got your whole head split up. Local is the motion, we coming through. Hollow tips is the lead, the 45 through. Remember me. Know your guns in there. Remember me. Take no for answer, get told no. Yeah, I've been told no, but it was more like no, no, no. Life a bitch, met her, fuck you if you let her. Better come better than better to be a competitor. This better's ahead of the shit is a redder. You deader and deader, I met her instead of the cheddar's and credit. Settle vendetta, a metal beretta from ghetto to ghetto. Ever ditch? No, never leave a shredder. I got the soul of every rapper in me. Love me or hate me, my mom's got raped by the industry and made me. I'm the illest nigga ever, I told you. I get my pussy, then them dyke bitches told you. One beat, nigga, better dead that shit. My name should be, can't believe that nigga said that shit. Price say he ain't a killer, but I'm killing myself. Smoke death, fuck bitches raw on the kitchen floor. So think what I'ma do. Du débat, des infos, des infos.